savoir ce que m'inspire, ce souffle qui m'aspire, le temps, le vent, la vie, un sourire et au revoir, la magie des rencontres, l'envie qui s'essouffle, ces courants qui nous trompent quand même les mots étouffent, pas plus profond qu'un autre, du vide entre les lignes, l'illusion digère les mots de celui qui attend un signe, le papier n'est qu'un prétexte, penser, saisir l'instant, je me rappelle à chaque fois que l'encre n'arrête pas le temps, le silence te va si bien, il murmure l'évidence, un ego en caresse un autre, c'est sur cette terre que nos vies dansent, songe fugitif au fond des terres qu'on croit immenses, des terres des rêves un peu furtifs, j'aimerais qu'ils reviennent un dimanche, dis-moi petit prince, sommes-nous de petits points, raconte-moi cette histoire, peux-tu me dire d'où je viens, je l'ai relu 100 fois, comme on peut boire sans soif, je l'ai relu 100 fois, jusqu'à l'imaginer sans toi, jusqu'à l'imaginer sans toi, petit prince, moi je l'ai relu 100 fois, je l'ai relu 100 fois, peux-tu me dire qui je suis, petit prince, je l'ai relu 100 fois, jusqu'à l'imaginer sans toi, plus jamais les mêmes, à chaque matin je meurs, là où mon cœur me mène, je renais quelques heures, le temps de sourire encore, de mourir encore, suspendu au vent, le temps d'un corps à corps, et nous reprendrons la route, nos souvenirs et nos doutes, oui nous reprendrons la route, sourions pas, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je te laisse une partie de mon âme, qu'on se le dise, nos cœurs ont bu lors de nos larmes. Incertain du futur, je vois le temps passer, son ombre sur les murs, cette ombre qui nous guette, ce passé que l'on jette, un coup d'œil en arrière, sommes-nous les mêmes qu'hier, je ne veux pas que l'on m'aime, ni même qu'on se démène, demandez à mes veines, c'est bien l'amour qui nous malmène, demandez à ces ponts dont l'on se jette, demandez à ces eaux où l'on se noie, celles qui reflètent, la tristesse d'une défaite, la dignité d'un homme, la douceur d'une femme, quand un seul de ses actes fait renaître une flamme, quand un seul de ses gestes fait la beauté d'un drame, on peut rêver à en crever, crever les yeux ouverts, rêver les yeux ouverts quand le réel devient mortuaire, s'inspirer d'un nouveau souffle. Allez rêve. Il faut qu'on rêve, qu'on reste libre pour rester père de nos esprits. Quand on a ri, nous étions ivres, il faut qu'on rêve, qu'on reste libre, pris de vitesse par les règles. Alors je rêve d'un idéal, j'écris à cette étoile, toi, je peux te voir, oui, je peux te croire, j'épouserai ta lueur, j'épuiserai ma douleur, j'irai t'aimer à m'en faire mal, à m'en tordre le cœur, à foutre en l'air ce que l'on aime, à défaut que tu sois la mienne, à brûler sur les bûchers, pour un souffle de ta peau, j'irai crier ma folie, emporté par la tienne, j'irai crier tous ces poèmes, où je fais de toi ma reine.